Sa propre, hein. On a déjà ouf. Bon, moi j'ai voulu jouer ce connard. Bon, moi j'ai voulu jouer ce connard. Thank you. Thank you. Thank you. Mm-hmm.